Sûrement l'an 2000, c'est une femme jolie, grande et belle. Une histoire peu ordinaire, on la nommera Michel. Installée au Québec depuis maintenant plusieurs jours, elle va rencontrer un homme, lui donner tout son amour. Elle ne sait pas que lui travaille avec de drôles d'actions, impliquée dans la drogue et réseau de prostitution. Il en parle dans son bise, lui raconte quelques mythos. Michel fait confiance et va vendre pour lui quelques kilos. Pendant 5 années, elle vend à bord de sa berline. À la sortie des boîtes, elle propose sa cocaïne. Sous menace de mort de son mari ou employeur, Michel n'a pas le choix de vivre dans la peur. Elle travaille tous les jours et dort 2 heures par nuit. Ce n'est pas une toxico, mais la drogue lui pourrit la vie. Michel se fait coincer une journée de novembre par des flics qui ont vu de la violence sur ses membres. Je marche dans la rue, propose mon ADN, côtoie des gens qui tuent avec des mains qui saignent. Comment est la vertu? Ma vie ne connaît pas, je connais juste la rue que je parcours à grands pas. Je marche dans la rue, propose mon ADN, côtoie des gens qui tuent avec des mains qui saignent. Comment est la vertu? Ma vie ne connaît pas, je connais juste la rue que je parcours à grands pas. Elle va au comico et ne raconte que des mythos. Elle ne dira pas de nom par peur de sa réaction. Elle rentre du commissariat et son mari la chope, lui donne du PCP et la force avec un Glock. Il l'envoie sur le trottoir avec une droite en prime, car la violence et le business sont des mots qui riment. Elle se déboîte les narines à coups de coke dans le sang, pour ne pas pouvoir sentir les patates dans les dents. 20$ par client, ce n'est pas une virose, d'aller donner son corps pour pouvoir avoir une dose. Son mari devient fou et une de ses putes, car celle-ci voulait stopper, ne plus baisser de fut. C'est que ses cas mélangés lui ont fait perdre les pédales. Il prend ses filles pour des vaches qu'il emmène à l'étal. Comment dénoncer ce mec sans avoir une balle en tête? Comment renoncer aux drogues qui me défoncent la tête? Je marche dans la rue, propose mon ADN, côtoie des gens qui tuent avec des mains qui saignent. Comment est la vertu? Ma vie ne connaît pas, je connais juste la rue que je bats pour avant pas. Je marche dans la rue, propose mon ADN, côtoie des gens qui tuent avec des mains qui saignent. Comment est la vertu? Ma vie ne connaît pas, je connais juste la rue que je bats pour avant pas. Michel adore le chant et se refuge dans la musique, participe à des concours, remporte des premiers prix. Comme un électrochoc, Michel veut chercher l'abandon, arrêter la rue pour pouvoir vivre de sa passion. Son mari devient fou et veut l'assassiner. Elle lui appartient car pour lui elle est assistée. Il le court après avec un couteau plein de rage. Michel pris de frayeur, saute du 2e étage. Il va la chercher dans la rue, sort un couteau bien large, voit sa vie défiler, il le cale sous la gorge. Cette jeune fille m'appartient, crie-t-il à moi, pas un autre. C'est sûr, il est malade entre folie et parano. Il est devenu fou au point d'assassiner sa femme. Voilà le triste résultat du sexe et de la cam. Michel ne voit pas la porte de sortie. Michel ne voit aucune solution pour continuer sa vie. Je marche dans la rue, propose mon ADN, côtoie des gens qui tuent avec des mains qui saignent. Comment est la vertu? Ma vie ne connaît pas, je connais juste la rue que je bats pour avant pas. Je marche dans la rue, propose mon ADN, côtoie des gens qui tuent avec des mains qui saignent. Comment est la vertu? Ma vie ne connaît pas, je connais juste la rue que je bats pour avant pas. C'est les sirènes de la police résonnent dans la ruelle, alerté par des voisins qui ont vu toute la scène. Michel remercie Dieu de l'avoir épargné et se dit que cette vie faudrait s'en éloigner. Son ex-mari finira ses jours derrière les barreaux. 2 jours après, elle part de la ville illico presto, repart faire sa vie tranquillement le plus loin possible. Et de fou furieux, ne veut plus être la cible. Fini de sniffer et découper la coke à la main, fini de faire le trottoir et ça chaque lendemain. Fini de voir la peur qui paralyse mes yeux de mort, fini ses coups et blessures qui saignent que j'ai sur tout le corps. Jamais elle n'aurait pensé de retrouver le sourire, jamais Michel n'aurait imaginé de s'en sortir. Comme quoi la vie de chacun réserve bien des surprises, en mal, en bien, en dark comme en pire. Je marche dans la rue, propose mon ADN, côtoie des gens qui tuent avec des mains qui saignent. Comment est la vertu? Ma vie ne connaît pas, je connais juste la rue que je bats pour avant pas. Je marche dans la rue, propose mon ADN, côtoie des gens qui tuent avec des mains qui saignent. Comment est la vertu? Ma vie ne connaît pas, je connais juste la rue que je bats pour avant pas.